Porte-avions, frégates, patrouilleurs, les bâtiments amarrés dans la rade ont tous des femmes à bord. La féminisation a été multipliée par 5 en 10 ans. Mais les 6 sous-marins varois sont encore un bastion masculin, pourvu qu'il le reste, estime Joël Mingui, président de l'Amicale des sous-mariniers des Alpes-Maritimes. Naviguer avec des femmes, ça n'évoque rien de bon, parce que j'estime que les sous-marins, c'était un milieu pas viril, mais un milieu d'hommes, empreint de camaraderie, d'amitié. Et je crains que le fait d'avoir quelques femmes risque de rompre cette bonne entente. Qu'il y ait pas des idylles, mais enfin des amourettes qui feront que les hommes ne seront plus si proches les uns des autres pour accomplir un très très beau métier tel que le métier de sous-marinier. Dans les sous-marins lanceurs d'engins, il y a plus de place. Mais peu importe, dit cette femme de sous-marinier à Toulon, c'est une mauvaise idée. Je n'y suis pas favorable du tout. Je pense que ce n'est pas un environnement très propice à l'épanouissement d'une femme, pour commencer. C'est un environnement très exigeant, qui demande une disponibilité absolument totale. Je ne suis pas persuadée qu'une femme puisse correspondre tout à fait à ses exigences. Et en tant qu'épouse, je ne suis pas favorable non plus. Je ne vois vraiment pas en quoi ce serait une avancée. Du côté de l'état-major, on avance que la règle d'or, c'est la compétence. On vérifie que ça fonctionne et on étend si ça marche. Marseille, Christelle Marquès, Laurent Goria, France Inter.